Chapitre 5e. Les choses en restèrent là, mais la population était plus ou moins en émoi. Comme les crimes n'avaient pas été sanglants, il y avait là-dedans un aspect mystérieux et surnaturel, comme s'il s'agissait de l'œuvre du malin, qui peut ôter la vie comme Dieu la donne, qui peut déplacer les corps et les transformer, bref, qui peut faire toutes sortes de sortilèges inexplicables. D'aucuns allèrent même jusqu'à affirmer que la Vierge en bois de Josier s'était réincarnée dans le corps de la Marie Arnaud, et certains n'hésitèrent pas à ériger une croix à proximité de leur maison pour qu'elle fût protégée. Beaumont de Lafrage ne décolorait pas, car l'enquête n'avançait pas d'un pouce, et le sous-préfet lui rappela sans ménagement que l'ordre public dépendait aussi de la façon dont la justice était rendue. Le lundi 6 novembre au matin, la tension fut poussée à son paroxysme. On découvrit dans l'église Saint-Laurent du Lauzet, au clocher en pointe de crayon, une nouvelle prégnante. Son corps, paré de fleurs séchées, entouré de petites veilleuses, était étendu à gauche dans la nef au pied de l'autel de la Vierge. On n'eut aucun mal à identifier la morte. Elle était de Méolan, un petit village voisin qu'elle avait quitté la veille pour se rendre chez sa mère, qui logeait juste en face de l'église. Bien entendu, il n'y avait aucun témoin. L'hiver s'annonçant précocement, dès la tombée du soleil, renforcé par une mauvaise brume, le froid s'emparait des maisons et n'incitait guère au déplacement. Ce fut la colporteuse qui la découvrit, alors qu'elle faisait ses dévotions avant de partir en tournée. Le corps, couché à même le sol et caché par les travées des bancs, ne se remarquait pas. Il fallait tomber dessus, en quelque sorte, et c'est ce qui était arrivé à la colporteuse qui s'asseyait toujours à l'écart dans des coins retirés de la nef. À l'annonce de cette nouvelle mort, le cri que poussa Beaumont de Lafrage dut s'entendre jusqu'à Tallard. Il agonit les gendarmes, le juge, tout ce qui lui tombait sous la main. Le sous-préfet, en l'admonestant sans pitié, ne fit que renforcer sa colère et sa rancœur. Quelqu'un d'autre ne décolorait pas. C'était Kerr, que l'on avait prévenu trop tard. Le corps avait été examiné par un de ses confrères qui ne voulait rien lui dire. Il aurait bien aimé valider certaines de ses hypothèses, mais en fut empêché. Houspillés de toutes parts, les gendarmes finirent par arrêter un ancien militaire, encore jeune, qui vivait chichement de sa pension et arrondissait ses fins de mois en se louant la journée chez les particuliers. Cet homme s'était effectivement battu à Magenta et à Solferino. Après avoir évité de justesse une amputation de la jambe, il s'était remis tant bien que mal. Il disait à qui voulait l'entendre que ce n'était pas les chirurgiens qui l'avaient sauvé, mais la Vierge Marie, à qui il vouait une adoration sans limite. Ayant gardé de sa blessure la jambe raide, il parvenait tout de même à exécuter quelques travaux. Nul n'avait eu à s'en plaindre et, pour s'enivrer, il attendait sagement le dimanche. Une fois sous, il racontait des choses terribles, difficilement crédibles et qui faisaient froid dans le dos. C'est justement dans la soirée du dimanche que le crime avait été commis et le militaire, complètement ivre, ne put fournir aucun alibi, incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait de sa soirée et de sa nuit. Bien que jouissant jusque-là de la sympathie générale, on commença à penser que ce qu'il avait vécu, associé à la boisson, lui avait dérangé la cervelle. Il fut finalement pris à partie par la population qui réclamait un coupable. Il fallait que cela cesse. L'homme avait bien conscience que sa tête commençait à ne plus guère tenir à son cou, et il ne dut finalement la vie qu'à une femme qui, n'écoutant que sa conscience, finit par avouer qu'il avait passé la nuit dans son lit, profitant de l'absence du mari. Cette révélation ne satisfit personne, excepté l'accusé, qu'on fut bien obligé de relâcher. La rancœur des autorités le bannit de la commune ainsi que sa maîtresse. On repartait donc de zéro. Un matin, le docteur Kerr monta à Josier pour parler au maire. Depuis une semaine, des hypothèses relatives à l'affaire tournaient et retournaient dans sa tête. Il pensait avoir une solution pour démasquer le coupable, mais ne voulait pas être seul à décider ce qu'il fallait faire. En même temps, il savait que l'avis de Gouin, instruit, intelligent et expérimenté, lui serait précieux. Pourtant, assez direct d'habitude, Kerr ne savait comment engager l'entretien. Il lui venait soudain des pudeurs de jeune fille. « Gouin, vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'amitié pour vous. Je sais que nous avons beaucoup de points communs, en particulier celui d'avoir évité la déportation en 51. Eh oui, Vous aviez bien compris que nous étions du même bord, vous et moi. Je n'ai toujours pas changé, si cela peut vous rassurer, docteur. Moi non plus. Je veux vous faire part de quelques conclusions que j'ai tirées de l'affaire. J'en ai aussi, mais je vous écoute. Kerr fit signe à Gouin de s'asseoir, se racla la gorge et commença. J'ai d'abord remarqué que chaque mois, depuis septembre, avait lieu un meurtre. Un en septembre, un en octobre, un en novembre. C'est exact, oui. Et avez-vous fait le rapprochement entre les dates? Les corps ont été tous retrouvés le 6 du mois. Autrement dit, les crimes ont tous été commis un 5, quel que soit le jour de la semaine. Ah, cela m'avait échappé, avoua Gouin. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence, en effet. Donc, tout porte à croire que l'assassin commémore quelque chose le 5. Mais quoi? Mystère. Le maire eut un fin sourire. « Je commence à deviner, » murmura-t-il. « On pourrait donc s'attendre à un nouveau meurtre le 5 décembre. » Kerr étendit les paumes de ses mains en avant pour demander à Gouin d'attendre la suite. L'assassin ne trucide pas ses victimes. Pas de blessures, pas de sang. On pourrait dire que simplement, il leur ôte la vie. « C'est vrai, oui, continuez, docteur. » « Il faut aussi que je vous fasse part d'indices que j'ai relevés sur deux des cadavres. Sur la troisième, malheureusement, je n'ai pas pu. » J'ai trouvé, après les vêtements, de tout petits brins de la laine brute comme celle qu'on trouve sur les peaux de mouton. J'ai également relevé un bout de fil bleu sur la robe de Marie. Ah, c'est pour cela que vous me demandiez la couleur du pantalon de hussard. Il est possible, en effet, que le cadavre étant chargé en travers de la selle, devant le cavalier, un fil se soit accroché dans les vêtements de Marie. Allez savoir. Ah, et puis il y a ça, dit Kerr en posant un tout petit objet sur la table. Il s'agissait d'un tout petit bouton de nacre blanche. Je l'ai trouvé par terre sous le corps de Gigliola. Gouin fouilla dans la poche de son gilet et en posa un identique à côté de l'autre. Vous voyez, Kerr, j'en ai souvent un ou deux dans les poches. Ma femme me demande toujours de les ramasser quand je les perds. Qui sait, il est peut-être tombé de ma poche. Impossible. Le bouton était sous le corps quand on l'a soulevé. Il n'a donc pu tomber de votre gilet. Soit il s'est échappé de la poche de Gigliola, soit il était déjà par terre quand on l'a allongé. Kerr se tut pour réfléchir, puis finit par dire « Je n'arrive pas à relier les faits entre eux. Je sens qu'il y a un point commun, quelque chose qui m'échappe, mais je finirai bien par trouver. » Gouin ne lui répondit pas, il était lui aussi pensif. Enfin, il se rejeta en arrière contre le dossier de sa chaise et esquissa un sourire. « Je crois que j'ai une idée. » « Moi aussi, » continua Kerr en plissant les yeux. « Tout porte à croire que l'assassin va recommencer le 5 décembre. Il faut donc lui tendre un piège ce jour-là. J'avais la même idée et les femmes enceintes ne sont tout de même pas légion dans la contrée. Alors j'ai eu une autre idée. » Kerr se tut et regarda Gouin droit dans les yeux, espérant qu'il allait deviner sa pensée. Le maire comprit que le médecin attendait de sa part un déclic. Il scruta son regard comme si l'idée allait s'écrire dans ses yeux. Soudain, à l'écarquillement de ses pupilles, Kerr comprit que le maire devait avoir deviné son idée. « Non, vous n'y pensez pas !» murmura Gouin, surpris par l'idée. « Si. »« C'est extrêmement dangereux, » reprit le maire d'un air grave. « Certes. »« Il faut au moins avoir son accord d'abord. »« Certes, » redit Kerr. « Pour réussir, une telle mission doit être acceptée sans réserve, bien entendu. » Gouin garda le silence, ce qui donna encore plus de poids à chaque phrase échangée. « Quand ?» demanda-t-il enfin. « Il faudrait commencer au moins 2 jours avant le 5 décembre, le temps que l'assassin prenne ses marques. »« Où ?»« J'ai pensé à Saint-Ponce. Il y a là une jolie petite église qui devrait inspirer notre meurtrier. J'y ai un ancien béguin, Clémence, une veuve qui sera charmée de nous rendre service. »« Parfait, » conclut Gouin. Nous pourrions prévenir le juge. Jamais de la vie, s'exclama Kerr. Ce béjeune imbu de sa personne va nous transformer l'affaire en usine à gaz et tout faire foirer. Prévenons au moins les gendarmes, alors. Non plus, ce sont des balourds bas de plafond. Mettez-vous à la place de l'assassin. De qui allez-vous vous méfier en premier? Des gendarmes, bien entendu. Donc il n'y aura que nous deux? Demanda Gouin, incrédule, d'une petite voix inquiète. Mais oui, mon cher. Nous mesurons chacun près d'1,90 m et pesons plus de 100 kilos. Vous ne vous sentez pas de taille à maîtriser un homme? À deux en plus. Gouin voulait écarter toutes les mauvaises éventualités. « Et s'il fait usage d'une arme ?»« Eh bien, nous essaierons de passer à côté des balles, et nous lui ferons sa fête, » répondit Kerr en riant comme un gamin insouciant. L'enthousiasme du médecin finit de convaincre Gouin, qui d'un coup venait de rajeunir de plusieurs années.